Thank you. avait des yeux clairs. Je t'attends tout le temps. Ok, non. Tu peux lire ce qu'est écrit double basse, s'il te plaît. Je suis dans le BPM, je l'écoute. Je suis en train de l'écouter, double basse. Non mais oh. Monsieur Kino est demandé au bas. C'est ma pauvre, ça. Le pays, oh le beau pays, et mon beau pays. Expliquez-moi alors. Où est-ce que je fais des conneries? Qu'est-ce qui vous plaît pas? Ce soir. Une loupe? Je te vois dans le noir. Qu'est-ce qu'une loupe? De quoi il parle? Alors écoute, on joue écoute une, sur une boucle. Monsieur te non, on joue pas sur une boucle. C'est moi qui joue. Une boucle? Tu sais très bien qu'on peut pas jouer autre chose qu'une boucle. Comment ici. Ça, si? C'est moi qui joue. Tu vois bien que c'est moi qui joue. On a loupe, boucle, en boucle. Envoie le serveur. Qu'est-ce qu'il veut? Oula, double basse, arrête de picoler parce qu'on sait, on n'arrive plus. Ouais, à... ok. Eh ben, on va jouer une boucle alors. Faire ça toute la soirée. Tu vois bien qu'on a un BPI de 32 et un BPM de 100. Donc on est obligé de tourner autour. Mais non, mais tu sais bien, on est limited. Tu peux le faire quand t'es tout seul, mais si à plusieurs, c'est impossible. Thank you. sur 32. Tu sais très bien qu'ici on improvise. Kino, depuis le temps que tu viens, franchement, tu devrais savoir. Bon, bah allez-y, hein, lâchez les chiens. Allez, lâchez les chiens, faites quelque chose là. Avec un peu de wawa. Excellent. Merde, j'ai commencé un peu plus. On va laisser passer un tour. Je wawette. Je wawette. Je suis obligé de laisser les 32 passer. Maintenant que tu m'as dit encore quelque chose. Allez, encore. Ah non, pas bien. Là, je suis en mode fille. Soudain. Youhou! C'est mieux là, ta voix. Hein? Vous êtes d'accord? Elle est mieux, sa voix. C'est pas ma voix. Non, ça vous plaît pas? C'est pas ta voix, mais enlève, t'as trop de réverb déjà, enlève un peu ta réverb, t'en as trop. Bon, tu continues, arrête de t'arrêter. Comme tu me dis double basse, arrête de t'arrêter. Voilà. C'est pas mal là. Bien sûr. Non, je l'ai enlevé, tout simplement. Attends, mais je sais pas comment gérer ma gearbox. Equalizer, sauf que je sais pas comment on change. C'est mieux, hein, une voix. Say me. Une voix fidèle à. I want again. Reset. Ah, reset. J'ai reseté. Sauf que maintenant, je sais plus comment on fait pour y changer. Say you. Say me. J'ai tout touché. Comment on fait? Say me. Quelle gourde. Je fais que des conneries. Bon, toi, arrête de changer toutes les 3 secondes de trucs. Bouh. Reset. Reset. Reset. Save me. Won't you tell me how much I love you? C'est faux. Say you take me. I wanna love you. Allez, on passe à 30. Hein? Forever. Ah, c'est là que ça change. Il y a les traits qui bougent. Chante ça déjà, je m'en rappelle plus. See you. quoi tout ce brouhaha que j'entends là? Thank you. Tracy Morgan. C'est quand que tu fais la tienne, hein? Hein? Ouais. Je voudrais savoir. Je voudrais savoir. À chaque fois que je veux ouvrir le lien de parole, ça me fait de la pub, ça me rend dingue. Que tu reçois vachement tard mon micro. C'est bizarre. Change your heart. Look around. Your heart.